tous, vous êtes bien sur Radio Fadjet et voici un nouveau numéro de la boîte à BO, l'occasion chaque semaine de revisiter les grands standards de la musique de film. Nous allons passer ensemble une demi-heure pour écouter de très belles bandes originales de films. Et comme chaque semaine, nous allons retrouver en ma compagnie Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. J'espère que tu vas bien. Super. Alors, quel est le programme du jour ? Eh bien, aujourd'hui, nous allons consacrer l'émission à des films réalisés ou produits par Claude Berry. Alors, il faut savoir que Claude Berry était un réalisateur, scénariste, producteur et acteur, né en 1934 et mort à l'âge de 74 ans en 2009. Il était surnommé le dernier nabab ou le parrain du cinéma français. Il est donc considéré comme l'un des plus grands producteurs de films du cinéma français. Cette émission va donc lui être entièrement dédiée et va nous permettre de vous présenter quelques-uns de ses films, comme par exemple Jean de Florette, Ciao Pantin, Germinal et bien d'autres. Eh bien, parfait Francine, on se retrouve dans quelques instants donc pour ce spécial La Boîte à BO, Claude Berry. Alors, le premier film que nous allons vous présenter, c'est Je vous aime, sorti en 1980 et donc réalisé par Claude Berry qui participe également à l'écriture du scénario. À l'affiche de ce film, on retrouve Catherine Deneuve, Jean-Louis Trintignant et Gérard Depardieu. Alors, Je vous aime, c'est l'histoire d'Alice, une femme de 35 ans qui, en amour, n'aime que les commencements. Ensuite, elle se lasse, elle souffre, elle fait souffrir et recommence. Et au cours de la soirée de Noël, elle revoit les moments forts de ses rencontres et des mois passés avec ses anciens amants invités pour l'occasion. Et dans ce film, Serge Gainsbourg est à la fois acteur et compositeur de la musique du film. C'est donc là qu'on entend la chanson « Dieu, fumeur de Havane » qu'il interprète en duo avec Catherine Deneuve. La même année, Gainsbourg écrit un album entier pour l'actrice « Souviens-toi de m'oublier ». Alors on entendra de nouveau Deneuve chanter au cinéma 20 ans plus tard dans un film « Huit femmes ». Alors je ne sais pas donc, si tu te souviens du nom du réalisateur. Oui, c'est François Ozon. Tout à fait Francine, très très beau film. Et puis donc, nous allons maintenant donc, sans plus tarder donc, retrouver donc, ce célèbre donc, duo Gainsbourg-Deneuve donc, dans la chanson donc, « Dieu fumeur de Havane ». Dieu est un fumeur de Havane. Je vois ses nuages gris. Je sais qu'il fait me même la nuit, comme moi, ma chérie. Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Je vois tes volutes bleues. Parfois venir les larmes aux yeux. Tu es mon maître après Dieu. Dieu est un fumeur de Havane. C'est lui-même qui m'a dit que la fumée envoie au paradis. Je le sais, ma chérie. Gitane, sans elle, tu es malheureux. Au clair de la lune, ouvre les yeux pour l'amour de Dieu. Dieu est un fumeur de Havane, tout près de toi, loin de lui. J'aimerais te garder toute ma vie. Comprends-moi, ma chérie. Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Et la dernière, je veux la voir briller au fond de mes yeux. Thank you. fumeur de Havane. Tout près de toi, loin de lui, j'aimerais te garder toute ma vie. Comprends-moi, ma chérie. Tu n'es qu'un fumeur de gitane, et la dernière je veux la voir briller au fond de mes yeux. Aime-moi, nom de Dieu. Continuons avec Ciao Pantin, un film dramatique toujours réalisé et écrit par Claude Berry et sorti donc en 1983. Alors le film met en scène Coluche dans le rôle d'un pompiste alcoolique et dépressif décidé à venger la mort du jeune trafiquant de drogue avec lequel il s'était lié d'amitié, assassiné à la suite d'un règlement de compte. Alors, lors du tournage, Coluche traverse une période difficile dans sa vie personnelle, ce qui n'empêche pas l'acteur de livrer une intense performance. Il se voit donc récompensé par le César du meilleur acteur en 1984. Et dans le film, on retrouve également Richard Anconina, dont c'est le premier rôle important et il recevra à ce titre deux Césars, meilleur second rôle et meilleur jeune espoir masculin. Et la musique du film est écrite par Charles-Élie Couture. Écoutons donc cette chanson très représentative de l'ambiance du film intitulée « Les nuits sont trop longues ». Des envies qui se balancent et des moteurs qui fument. Besoin d'un voyage à défaut d'amour, besoin de se perdre plutôt que souffrir, besoin de courage à défaut de bravoure, besoin d'exorciser la violence d'un souvenir, besoin d'un virage à défaut d'un détour, besoin d'accélérer plutôt que s'enfuir. Quand l'air mort grille le cœur, quand la mort fait trop peur, dans la ville qui se referme, y a de l'alcool dans les veines, du feu sous l'épiderme, la poudre aux yeux qui traîne. Besoin d'une image à défaut d'un discours, besoin de bouger plutôt que subir, besoin d'un peu d'humour à défaut d'un message, besoin de se défendre plutôt que gémir, besoin d'éclairage à défaut du jour, besoin d'une amitié plutôt que se démolir. Voilà, donc après Ciao Pantin, poursuivons avec Jean de Florette, sorti en 1986, écrit et réalisé donc toujours par Claude Berry. Alors acclamé par la critique, le film reçoit de très nombreuses récompenses, dont le César du meilleur acteur pour Daniel Auteuil en 1987, et donc également donc le BAFTA du meilleur film en 88. Alors Francine, hein, c'est le BAFTA, c'est l'équivalent des Césars, mais en Angleterre. Hein. Voilà, c'est ça. Et de manière surprenante, il n'a pas obtenu le César du meilleur film en France. Il a été nominé, mais bon. Ben voilà. Alors, aux côtés de Daniel Auteuil, on retrouve bien entendu Gérard Depardieu, qui interprète le rôle de Jean de Florette, donc, et Yves Montand. La suite du film, Manon des Sources, sort la même année avec Emmanuelle Béart, qui reçoit ce titre, le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Et Daniel Auteuil est de nouveau récompensé pour le César du meilleur acteur. Alors, la musique de ces deux films est composée par Jean-Claude Petit. Les deux films se partagent un même thème central à l'harmonica, interprété par Toots Thielemann, qui soutient une certaine atmosphère rustique un peu folk et représente le destin qui accable les personnages. Jean-Claude Petit s'est d'ailleurs inspiré à la demande du cinéaste un morceau de Verdi, La Forza del Destino. Cet air est d'ailleurs repris par les personnages puisque Gérard Depardieu le joue afin de faire venir la pluie pour ses récoltes, tandis qu'Emmanuel Béart la reprend à son tour à l'harmonica, ce qui fait de ce thème le symbole de sa vengeance. Écoutons donc ce morceau qui va forcément vous rappelez ces deux magnifiques films, donc Jean de Florette et Manon des Sources. Thank you. Alors, passons maintenant à Germinal, sorti en 1993, donc toujours réalisé par Claude Berry et dans lequel on retrouve évidemment Renaud, Miu Miu et Gérard Depardieu. Alors, le tournage a eu lieu sur un site minier près de Valenciennes et il faut savoir que la plupart des 8000 figurants a été choisi parmi d'anciens mineurs, fils et petits-fils de mineurs. Claude Berry a voulu faire Germinal pour plusieurs raisons. Il voulait faire renaître la mémoire de son père et les souvenirs de sa jeunesse. Son père votait communiste et l'emmenait à des manifestations après la guerre. Dans son autoportrait, le metteur en scène a confié à quel point il se sentait proche du personnage d'Étienne Lantier. Il disait « J'ai fait le film avec mon cœur à gauche comme Renaud ». Mais Renaud a mis 3 ans à accepter le rôle d'Étienne Lantier. Et il considère que c'est une des pires expériences de sa vie, car il aurait préféré que Claude Berry lui laisse plus de latitude dans son jeu d'acteur. Par ailleurs, Renaud éprouvait de la honte du fait qu'il jouait un personnage révolutionnaire alors qu'il était riche dans la vraie vie et qu'il côtoyait pendant le tournage des figurants à la situation précaire. Je crois que c'est son seul film, hein, il n'a pas tourné d'autres films. Ouais. Et la musique du film a été écrite par Jean-Louis Rock. Écoutons donc sans plus attendre le générique du film. Thank you. Voilà, vous êtes bien sur Radio Fadjet, c'est la boîte à BO, donc consacrée cette semaine donc au réalisateur Claude Berri. Alors continuons donc avec un film d'un registre complètement différent après Germinal, eh bien c'est Astérix et Cléopâtre. Alors, mais ce film n'a pas été réalisé, mais produit par Claude Berri, et c'est donc Alain Chabat qui a réalisé ce film. Alors après le succès du film Didier, qui avait valu le César de la meilleure première œuvre à Alain Chabat en 1998, c'est Claude Berri donc qui l'encourage à tourner un prochain film en lui indiquant notamment qu'il possède les droits d'adaptation de la bande dessinée Astérix. Il avait produit Astérix et Obélix contre César, la première adaptation en prise de vue réelle d'Astérix pour le cinéma, qui fut un succès commercial puisque le film avait été le plus vu dans les salles de cinéma dans l'année 1999 avec près de 9 millions de spectateurs. Alors de nombreuses chansons sont présentes dans le film comme I Feel Good de James Brown, Ti Amo donc interprété par Umberto Tozzi et Monica Bellucci ou She Might de New Morricone. Mais la musique originale est composée donc par Philippe Chani qui est un ami d'Alain Chabat depuis le lycée, qui est compositeur des musiques originales des émissions Les Nuls mais aussi des bandes originales des films La Cité de la Peur et Didier. Alors je vous propose donc d'écouter tout de suite le thème principal du film écrit par Philippe Chani. Astérix et Cléopâtre, nous passons maintenant à un film toujours réalisé donc par Claude Berri, Ensemble c'est tout, mais ce film a été réalisé en 87. Donc après avoir adapté sur grand écran consacrant les plus grands auteurs classiques de la littérature française comme Marcel Pagnol avec Jean de Florette et Manon des Sources ou Émile Zola Germinal, Claude Berry s'essaie aux auteurs contemporains avec ici Anna Gavalda. Alors Ensemble c'est tout, c'est la rencontre de quatre destins croisés qui vont finir par s'apprivoiser, se connaître, s'aimer, vivre sous le même toit. Camille fait des ménages le soir dans les bureaux et dessine à ses heures perdues. Philibert est un jeune aristocrate féru d'histoire, timide, émotif et solitaire. Il occupe un grand appartement que possède sa famille. Franck est cuisinier, viril et tendre. Il aime infiniment sa grand-mère, Paulette, une vieille dame fragile et drôle. Donc Claude Berry avait pensé à Charlotte Gainsbourg avant même de commencer l'écriture du scénario pour interpréter Camille. Mais l'actrice ayant fait une chute en snowboard et devant porter un corset pendant 3 mois a dû déclarer forfait 2 mois avant le début du tournage. Ludivine Sagnier et Audrey Tautou ont alors été contactées et c'est finalement la seconde qui a été choisie pour le rôle. La musique a été écrite par Frédéric Botton, qui est surtout auteur-compositeur de chansons, mais qui a également composé la musique de quelques films, comme par exemple Camping. Donc écoutons le thème principal de Ensemble, c'est tout. Ainsi s'achève donc cette émission de la boîte à BO, donc spéciale Claude Berry. J'espère que cette émission vous a plu et que vous avez pris plaisir de découvrir ou réécouter certaines musiques de ces films. Alors n'hésitez pas à nous laisser vos impressions, vos commentaires sur le site Facebook de Fadjet et puis de vous faire part de vos BO coup de cœur que l'on pourra diffuser sur la radio. Alors Francine, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Tout à fait Jérôme, à la semaine prochaine. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de rester fidèle à Radio Fadjet.